Si le hasard vous fait rencontrer un de ces anciens sénateurs, méfiez-vous de son air de grand-père désabusé. Faites-vous raconter son travail, sa façon de pratiquer le métier de seigneur du rail, comme certains les appelaient dans la corporation. Dites-lui que cela vous intéresse, mais prenez le temps de l'écouter. Il vous parlera d'une époque où le TGV n'était rien qu'une vague idée de plus, un nébuleux mirage pour rêveurs de bureaux en mal de progrès, et pourtant reconnus aujourd'hui dans le monde entier comme de fabuleux concepteurs de records de vitesse sur rail. Là, vous verrez ses yeux s'illuminer, et, subitement, il aura le regard de celui qui sait. Il vous dira, et puis, comme à regret, surpris de s'être laissé aller, il vous confiera peut-être qu'aujourd'hui encore, il frémit parfois, en croyant entendre, au loin dans la campagne, le cri strident, mais désespéré, d'un bel animal qui ne voulait pas mourir. Comme lui, aujourd'hui, mes cheveux ont blanchi, et j'ai définitivement brûlé tous mes printemps. Mais la vie continue. Alors, jour après jour, je promène mes longs automnes au fil du temps. Quelquefois, assis près de ma fenêtre, le cœur débordant d'années envolées à la vitesse d'un cheval au galop, quand je vois passer ces trains de toutes les couleurs, c'est encore avec nostalgie que je songe à des monstres noirs portés par de grands nuages de fumée, et ce sont toujours des machines à vapeur que j'entends siffler.